Papa,

Un jour le feu a pris nos hommes parce que d'autres décider. Les gringos tapent dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne, la cocaïne, la vie m'a frappé. We'll be right back. Fuck. bed. Can you turn the bass down? It all sounds the same. Are you kidding me? Vai botar!